l'hypermarché. Soudain devant te passe une grisette, blonde et fraîche comme un bouquet. Elle est jolie comme une princesse, s'écrie à chaque musicien. Il y avait seulement la pauvre grosse caisse qui ne disait rien, qui ne voyait rien. À cause que son instrument lui bouchait l'œil hermétiquement. Fin, mais comme c'était un bon garçon, vous me donnez tout de même ses gouttes au pont. Trip, trip, il est repoubi dans ce sac, il sac sur le dos. Redon, lousse, talou, suivez le gros, qu'est-ce qu'il est pas mon chaud. Jusqu'à la porte de son séjour. Puis toute la musique militaire monta à lui dire un petit bonjour. Dernier qui vint fut la grosse caisse qui se présenta d'un pas hardi au moment de peindre son ivresse. V'là qu'il reconnaît, savez-vous qui? Sa propre femme qui qu'avait su un an avant du prix perdu. Si on a peut-être un bon. Il fut si tendre qu'il l'a...